Une femme trompée qui décide de se venger. Moi, ça se tient. Je peux convaincre mes gars de bosser là-dessus à la première heure pour s'en assurer. Mais je me demande quand même si on rate pas un truc.